Bonjour. Bonjour, Christiane. Ça va? Ça va? Allez. Toi? Oui. Bonjour, bonsoir. Bonjour. Oui. On est réquisitionnés partout. Comment allez-vous? Bonjour, ça va depuis hier soir? Oui, oui. Bonjour, madame. Ça va? Merci. Oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Anne. Oui, oui, oh, t'as l'air. Bonjour. T'aurais pu aussi, hein. Pourquoi t'aurais pas, toi? Bonjour, mademoiselle. Bonjour, mademoiselle. Alors, c'est toi qui avais essayé de téléphoner, non? Ah non, je n'ai pas téléphoné chez toi. Oh ben alors j'ai dû prendre ma fille pour t'avoir. Ah oui, sûrement. Allez, dégage là. Il y a la queue ce matin. Il y a la queue ce matin. Ah bah toujours, ça a lieu qu'une fois par an, le pardon de Bonnivelle. C'est quoi le pardon alors? C'est le pardon de Saint-Brieuc. Bonjour mesdames. Le patron de la paroisse. D'accord. Comment vas-tu? Ça va. Merci par le fait. Oui. Et ça va? Bien. Ça va? Joseph avait parti porter le gâteau dans le... Monsieur. Bonjour. Ah bon? Il est parti porter le gâteau dans le... Ah oui, comme ça il fait quelque chose au moins. Bonjour. Bonjour. Voilà. Donne-moi un petit peu. Ah, jaloux, va. Ben oui. Il y a un peu de monde. Il y a un peu, bon, ça sera plein. Ouais. Autant que pour le concert d'hier. Ouais, c'est pas, il y avait du monde. Hier soir, c'était à plein. Et moi, je suis pas un fan de... T'étais pas venu? Je suis pas un fan de l'opéra, j'ai été réveillé. Bonjour. Ouais, moi, je suis pas un fan, tu sais, des chants d'opéra et tout, mais c'était tellement bien, bien chanté. Ouais. C'est autre chose. Bonjour. C'est autre chose que quand on entend la télévision. Ouais, ah ouais. Et alors, la fille, elle avait une voix. Oh oui, elle avait une voix. Je croyais qu'elle aurait pété la cathédrale. Oui, j'ai dit tout à l'heure, la charpente, elle va casser. Là. Quand elle montait sa voix. C'est du costaud, c'est ce que je disais à Lucien Cariou. Je dis, nous, quand on fait l'animation de la messe le dimanche, qu'on lance les chants, on se sentait tout ridicule. Bonjour. Bonjour, madame. Non, non, t'auras que... Ça va, Bill? Dans tout ça, moi je sais pas à quel moment il faut monter la croix. Oui, elle part du fond, je crois, ou de l'extérieur. Pas de l'extérieur. Des émeurs, des mots. La procession part de l'extérieur. On part d'ici. Ah oui, et on rentre par le fond. On rentre d'ici, on rentre à grand temps. Et on fait le tout à part le côté. Et comment ça se fait, on a ramassé les cloches là? Bah oui, les cloches. Il n'y a pas de cloche. Il n'y a pas de cloche. Il y a trop de cloches. Il y a trop de cloches dans le quartier. J'ai pas voulu rien. Il y a cloches. Ouais, ça n'est pas. Avec qui t'as joué? Dosque droite. Vous avez pas été foutu de rappeler la victoire? Non. Non, bah, vu, là, c'est ce qu'on a fait. Je ne sais pas si c'est ouvert encore, mais la procession rentre par là. Là, perdu 13-12. Par le dos. Perdu 13-12. Merci. Bonjour. J'aurais plus de chance. Merci. Bonjour Lucien. Ça va bien? Ça va, toi? Oui, oui, oui. Salut Lucien. Bonjour. Bonjour. Et là-bas du côté où il y a... À côté où on est? Bon, d'accord. Bah, il est où, là? Il est où, là? Presque pleine, oui. Alors vous enregistrez ça là? On enregistre un petit peu tout, je crois, dans le village. Bonjour. Ça va partir en Angleterre, tout ça? Oui, en Finlande. En Finlande. Madame a déjà fait deux ou trois tours pour voir. C'est pour quelqu'un de privé? Non, c'est